balance le regard des autres. C'est comme une douce démence. Le regard des autres. Quoi faire pour s'y habituer? Jeunes années, comme des yeux sans visage, les ombres peu à peu ont voilé la lumière. Le regard des autres est fait d'ombre et de silence. Je me fie l'apôtre de tous les anges sacrifiés. Elles furent dorées ocre, mes plus belles, mes plus jeunes années, comme des yeux sans visage. Les ombres peu à peu ont voilé la lumière. Les ombres peu à peu ont voilé la lumière. Les autres peu à peu ont souillé mes chimères. Les ombres peu à peu ont voilé la lumière. Les autres peu à peu ont souillé mes chimères. Les ombres peu à peu ont voilé la lumière. Les ombres peu à peu.